Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e podcast Football Riot. Alors 10 comme 2010 et comme la catastrophique performance des Bleus à la Coupe du Monde en Afrique du Sud dont on va parler tout de suite avec Patrick Bénard, auteur d'un livre 450 entre parenthèses Football Club que vous pouvez notamment retrouver sur thebookedition.com qui est un recueil de micro-nouvelles et donc la partie qui a écrit Patrick concerne le foot et qui est donc là avec nous pour parler de la déroute des Bleus. Salut Patrick et bienvenue sur ce podcast Football Riot. Je m'appelle Patrick, comme j'ai cru comprendre, tu as présenté mon livre, puisque j'ai eu la chance d'écrire un livre sur le foot qui s'appelle 450 Football Club. Je dis 450 parce que c'est écrit en 450 mots, chaque petite nouvelle est écrite en 450 mots. Voilà, et j'ai décrit l'histoire d'un club de foot, et pas celui de l'équipe de France. Tous les jours, il y a Baptiste qui aujourd'hui aussi va parler foot avec nous, notamment sur ce qu'il a pensé des Bleus hier. Salut Baptiste. Salut Albertine, salut Patrick, salut à tous. Bon alors on va revenir sur cette déroute donc, la France quitte la Coupe du Monde avec un seul petit point pris face à l'Uruguay après ce match nul et deux défaites, une face au Mexique 2-0 et une hier face à l'Afrique du Sud 2-1 qui aurait d'ailleurs pu s'annoncer plus corsée. Alors on savait que ce serait très difficile mais est-ce que néanmoins ce résultat vous a étonné? Est-ce que vous pensez que les Bleus auraient pu relever la tête? Ah bah si je peux me permettre de commencer, non, il m'a pas étonné. Il m'a pas étonné, il m'étonne plus depuis 4 ans, en fait. Donc voilà, c'est juste le triste résultat de ce qui devait arriver. Ce qui devait arriver, t'est arrivé, et on va en avoir pour un bon petit paquet d'années pour s'en remettre là. Pareil, oui, c'est pas étonnant, et c'est même bien qu'ils perdent pour que vraiment on reparte de zéro et qu'on commence une nouvelle ère. Pour revenir au match, donc on commence plutôt bien le match. Il y a 15 premières minutes qui sont un peu plus intéressantes que les autres matchs où on sent peut-être un peu plus d'envie de la part des Bleus, même si ça casse pas encore des briques. Et puis il y a ce premier but qui arrive sur corner et là c'est quasiment la fin. Enfin là on sait que quand on est mené 1-0, il fallait qu'on en marque au moins 5 ou 6, donc c'était la fin. Quelque chose qui était primordial, c'est que tout allait se jouer notamment au tout début du match, c'est-à-dire que l'équipe qui marquerait en premier allait être en très bonne position. Qu'est-ce que vous avez pensé du début de match de notre équipe de France? Bon, il est pareil que les autres matchs. Hein. Ils auraient marqué un but dans les toutes premières minutes, on aurait peut-être pu y croire, et encore, cette équipe, on n'y croit plus. Pas pour que des raisons sportives d'ailleurs. Mais non, je pense que personne n'y croit et qu'il y a... Ça fait partie des choses qu'il va falloir réinstaurer, c'est tout un esprit et tout un peuple qui aura peut-être encore envie de supporter cette équipe, parce que pour l'instant, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui soient encore passionnés de l'équipe de France. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est bon, en même temps, comme tu le disais, et là je te rejoins, Baptiste, c'est bien que ça ait explosé. C'est une explosion en vol, et puis repartir de zéro, c'est-à-dire au-delà des joueurs, mais aussi de la fédération. D'ailleurs, Giroud proposait que tout le staff technique de la fédération démissionne et qu'il y ait de nouvelles élections qui soient faites. Et je trouve que ça ne serait pas forcément une mauvaise idée. Enfin, voilà, c'est la symbolique. Depuis 12 ans, on s'est vu beau, depuis qu'on a été champion d'Europe en 2000. Mais en fait, on a jamais rien fait. Il y a une exception en 2006. On a failli gagner une Coupe du Monde parce qu'il y a trois joueurs qui ont décidé de jouer le jeu et puis qu'on réussit à amener tout le monde vers le haut, à tirer tout le monde vers le haut. Mais c'était l'arbre qui a caché la forêt en réalité. Mais en face, comme adversaire de l'équipe de France, on avait une équipe des Bafana Bafana qui avait à cœur de réussir devant son public un bon résultat, une première victoire en Coupe du Monde, notamment. Notamment que leur entraîneur est assez décrié, Pereira du côté de l'Afrique fait pas toujours l'unanimité. On peut revenir peut-être un peu sur l'arbitrage, notamment sur l'expulsion de Gourcuff, donc qui arrive après le premier but sud-africain. Donc Gourcuff dans un duel dans les airs avec un Bafana Bafana joue le ballon, récupère le ballon de la tête et au passage donne un coup de coude involontaire dans la mâchoire du joueur adverse et l'arbitre l'expulse. Depuis quand on fait un duel dans les airs et qu'on met un peu le coude, on est expulsé, sinon Galas aurait fini sa carrière, je pense, depuis un moment à cause de ça. Thierry, lui, alors n'en parlons pas, puisque lui, tête, ça rime avec coup de coude dans la tête de son adversaire. Donc, non, c'est n'importe quoi. J'ai pas compris du tout la réaction de l'arbitre, qui l'a en plus fait très calmement, comme si c'était vraiment très normal. Personne ne s'en doutait. En plus, il se trompe de joueur, ça c'est génial. Ouais, il excuse d'abord Cissé. Il excuse quand même Cissé avant que son assistant lui dise non, c'était Gourcuff. Hein. Donc c'est ça, c'est la Coupe du Monde des arbitres et c'est aussi la loterie des bons arbitres. Et malheureusement, les bons arbitres viennent souvent, très souvent d'Europe parce que le football y est meilleur et parce qu'on a un niveau footballistique qui est tout simplement meilleur. Maintenant, il faut, à mon avis, revoir ça. Cet arbitre, de toute façon, à mon avis, c'est fini. Hein. Il arbitrera plus en Coupe du Monde. Voilà, on voit des erreurs d'arbitrage. On peut rire de ce qu'a fait notre arbitre français, mais alors celui qui a arbitré France-Afrique du Sud hier était pas mal aussi. Ouais. Oui, au-delà de l'arbitrage, bon, après, on peut se dire il fallait aussi que l'Afrique du Sud gagne. Psychologiquement, c'était important pour eux. Puis la France, ils s'en foutaient, de toute façon. Ils étaient pressés de repartir. Alors, il fallait bien faire ce match, alors ils l'ont fait. Ils ont, bon, ils auraient pu le, je sais pas, peut-être ils auraient pu le gagner malgré tout, j'en sais rien. Mais pour le gagner, il faut déjà être motivé, il faut déjà, pour avoir vécu ce qu'ils ont vécu 2-3 jours avant, enfin, bon voilà, faut être un groupe, faut être solide. Et puis là, c'est tout le contraire. De toute façon, on savait à quoi fallait s'attendre. Certains joueurs n'avaient même pas voulu jouer, il y avait la grève de l'entraînement avant, donc comment gagner un match sans s'entraîner, ça faudrait répondre à cette question. Mais bon, il n'y avait que des facteurs négatifs, c'est sûr. Pour revenir donc un peu au Bafana Bafana, qui vont quitter cette compétition et qui sont d'ailleurs le premier pays organisateur à ne pas passer la phase de poule en Coupe du Monde. J'ai trouvé qu'ils avaient quand même pas mal négocié le fait d'être en supériorité numérique, voire même très bien, parce qu'ils ont tout de suite pris des espaces. Même quand ils ne se retrouvaient pas en supériorité numérique dans la surface de réparation des Bleus, ils savaient comment faire pour déjouer en fait le marquage mis par certains. Donc l'Afrique du Sud termine à la troisième place de ce groupe A et donc quitte la compétition. C'est d'ailleurs le premier pays organisateur à ne pas être qualifié pour la suite de la compétition, c'est-à-dire les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Elle laisse derrière elle l'aspect d'une équipe assez sympathique qui a joué sa chance à fond malgré le peu de moyens qu'elle avait. 84e au classement FIFA ou 83e, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette équipe ? En voulant manquer de respect à cette équipe, elle a profité quand même d'une France qui n'était plus une équipe, mais un groupe de joueurs qui avait explosé et qui jouaient chacun pour leur pomme. Ils ont joué face à des joueurs qui ont été réduits à 10. De l'autre côté, tu avais une Afrique du Sud qui était soutenue par 80 000 personnes qui avaient envie juste de montrer que, bah, malgré notre classement FIFA qui aurait fait que normalement on n'aurait pas dû être en Coupe du Monde cette année, on y est et on mérite ça. Oui, ils l'ont montré, ils ont un niveau qui est quand même plutôt, plutôt bon et je pense que l'entraîneur y est quand même pour pas mal. Maintenant, il faut voir leur match contre l'Uruguay, 3-0. Et ils ont montré leurs limites. Le match contre le Mexique, c'était un match d'ouverture, donc tu peux pas vraiment tirer d'enseignement. C'était le match d'ouverture, la première fois que la Coupe du Monde se jouait et qu'un match de Coupe du Monde se jouait sur le sol africain. Il y avait tellement de symbolique que l'enjeu était peut-être un peu revu à la baisse. Je pense qu'ils ont montré leurs limites contre l'Uruguay et qu'ils ont montré qu'ils savaient, comme tu dis, profiter d'un avantage numérique. Mais je pense que c'est le genre d'équipe qui se pose pas de questions et qui, de toute façon, hier voulait gagner. Et il y a cru en ses chances de pouvoir passer. Et il y aurait cru un peu plus, il y aurait eu juste un tout petit peu plus d'être de talent chez un joueur et puis ça aurait pu vraiment le faire. Et d'ailleurs, un moment aussi, un poteau des Sud-Africains où ils auraient pu aggraver le score largement. Ce qui est assez énorme quand même pour l'équipe de France, je ne sais même pas s'il faut en rire ou en pleurer vu le niveau qu'on a atteint aujourd'hui, c'est qu'elle perd quand même ces 5 derniers matchs contre la 84e nation du football mondial et la 83e, la Chine et l'Afrique du Sud. Note qui a mis l'équipe, Gignac à 3, Gignac qui a vraiment pas été dans le coup hier soir, qui a d'ailleurs, c'était une des rares fois, il était d'ailleurs titularisé d'entrée avec l'équipe de France. Ça résume le reste, quoi. Après, moi, j'ai pas envie de m'arrêter sur le match d'Afrique du Sud, à part effectivement, comme tu disais, Baptiste, que l'Afrique du Sud aurait été limite pour passer. Maintenant que ça soit le premier pays organisateur qui passe pas le premier tour, on s'y attendait un petit peu aussi. On sait que quand en 2002, la Corée et le Japon étaient extrêmement avantagés par les arbitres, là, on revient sur pour qu'ils aillent le plus loin possible. Alors ça, c'était une évidence criante. On se rappelle comment même l'Italie, et je porte pas forcément l'Italie dans mon cœur, s'est fait arnaquer par la Corée, si mes souvenirs sont bons, par l'arbitre. Enfin bon, bref, là, il y a des erreurs d'arbitrage, ça, il y en aura toujours. Gourcuff a été expulsé en plus, comme si c'était un joueur qui était méchant, c'était pas le joueur le plus méchant. Et comme tu disais tout à l'heure, Galas finirait jamais les matchs. Mais j'ai pas trop envie de m'arrêter sur le match d'hier. C'est plus une symbolique sur la Coupe du Monde et sur l'après-Coupe du Monde. Enfin, l'après, en deux mots, mais ce qui a précédé, hein, ce que je veux dire. Tout ce qui a précédé, c'est-à-dire depuis 2006, où on a renouvelé la confiance à Domenech. Bon, voilà, en 2008, on a dit, t'as fait un sale euro, mais tant pis, ça ne fait rien, tu l'es retourné quand même. Et ben, il a refait des saletés, quoi. Et je m'en veux beaucoup, mais d'abord, j'en veux à la fédération, j'en veux à l'entraîneur, et j'en veux ce qui va arriver automatiquement aux joueurs qui se sont sentis pour lequel Domenech n'avait aucune prise. Et puis cette génération-là, effectivement, un nombrilisme exacerbé et ne pense qu'à l'argent. Vous allez me dire, comme à peu près tous les joueurs de foot professionnels de haut niveau. Mais bon, il y a des limites que là, ils ont un petit peu dépassées. On voit où est-ce qu'on arrive maintenant. On se rappelle que Domenech, en 2008, elle nous avait quand même sorti que l'Euro 2008 raté, c'était pour préparer la Coupe du Monde. Et là, c'est absolument le néant. On termine quand même derrière d'une poule où on était au départ largement donné vainqueur devant l'Afrique du Sud, devant le Mexique et devant l'Uruguay. Et là, on n'a vraiment, vraiment rien fait. Oui, excuse-moi, je fais un nom de Bernard Ménès. Il l'a très bien préparé, hein, 2008 pour 2010. Ça ne pouvait pas mieux la préparer. Hein. On pouvait pas faire pire, donc il a réussi quand même à faire pire, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire en sorte que les joueurs refusent de s'entraîner à un moment. Mais est-ce que ça c'est que de la faute de Domenech, le fait que les joueurs refusent de s'entraîner? Pourquoi ça pourrait pas être, parce que Domenech il a bien dit quand les joueurs ont refusé de s'entraîner en conférence de presse, il a bien dit que c'était une imbécilité, une débilité sans nom, et que lui il aurait jamais été d'accord avec ça, même si ça se voit dans son comportement qu'il avait plus mainmise sur les joueurs. Ah bah oui, mais ça, le problème, c'est qu'il les abuse depuis longtemps. C'est ça le souci. On ne vient pas de le découvrir quand même. Ils ont eu 2 mois quand même. Ça fait pas 2 mois quand même. Ils ont entendu. Il a convoqué à peu près les mêmes. Il a mis en place un système de jeu qui rechange encore après, qui rechange à nouveau. Moi, je veux bien quand c'est un entraîneur qui s'adapte à la tactique d'une autre équipe, mais non pas d'un entraîneur qui cherche à instaurer un système de jeu dont il ne sait même pas en tirer les bénéfices. Un vrai entraîneur, tu prends Capello, ça ne serait jamais arrivé. Ben oui. Capello, les mecs qui sont dans le car, je pense qu'ils poussent le car dans un lac et ils les tuent tous, tu vois. Ben ça se pose pas la question. Tout ça, forcément, Domenech y est pour quelque chose. Maintenant, pourquoi Domenech est encore là? À cause du Conseil fédéral. Donc on en revient toujours à la même... La même tête pensante qui va très très mal, ouais. Et qui devrait partir normalement. Voilà, il faut compter tout là-haut, quoi. Et je reviens non pas parce que je suis auxerrois, mais à ce que disait Giroud, mais il faut que tout le monde démissionne et puis qu'il y ait des élections. Alors après, ça peut être aussi les mêmes qui vont être réélus, on ne sait pas, mais au moins, ça sera quelque chose de démocratique et on repart sur des bases saines. Le pauvre Laurent Blanc, je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va même nous qualifier pour l'Euro 2012? Parce que maintenant, c'est ça qui se pose. Ah, ça va être un peu dur parce qu'il va y avoir des gros choix à faire, en fait. On ne pourra pas lui en vouloir s'il n'y arrive pas, parce que ce qu'a laissé tout ça, toutes ces 6 années, ce qui est en train de... Enfin, les ruines qui sont laissées, c'est limite un seul où on ne peut rien construire de bon maintenant. Il va falloir attendre. Et le contrat de Laurent Blanc n'a pas l'air d'être très bien pour être conjugué à un site d'entraîneur qui doit rester et qui doit reformer toute une équipe, toute une nation, en fait. Ça, c'est le problème quand on voit les autres équipes même l'Afrique du Sud, hein, ils se sont battus jusqu'au bout avec leurs moyens. Et tout le monde se bat jusqu'au bout avec leurs moyens. Oui, mais ça, ce que tu dis de que toutes les équipes jouent à fond la Coupe du Monde, pas les Bleus. Enfin, l'équipe de France, pour moi, elle n'a absolument pas mouillé le maillot. Et je sais qu'il y avait beaucoup d'éléments négatifs, comme tout ce qui s'était passé avant. Je sais pas comment tu peux avoir envie de jouer quand le climat est comme ça. Enfin, je suis déjà très content qu'ils aient pas eu l'idée idiote de dire on fait même pas le match et on joue à peine. Là, ils ont quand même joué. Ils ont pas mouillé le maillot, non, mais ça ils l'ont pas fait depuis très longtemps. Non, mais voilà, parce que je revenais un peu sur les autres matchs, en fait, sur l'Uruguay et le Mexique, c'était aussi catastrophique que ce qu'on a vu face à l'Afrique du Sud. Et là, tout n'avait pas encore explosé à ce moment-là. c'était pas mauvais, mais en même temps, la réflexion que je me suis faite, c'est que on savait très bien, enfin, faut qu'on fonce droit dans le mur depuis 2 ans, on attend avec l'espoir de se pointer 2000 de voir un truc génial. Mais le truc, ce qui peut se passer de génial, il faut quand même des bases, et les bases, on les a pas. On est arrivé avec un système de jeu qu'on cherchait, avec des joueurs qui n'avaient pas vraiment de poste de titulaire. On pouvait mettre n'importe qui en pointe, et puis on avait de ce qui paraissait être des évidences selon Domenech, de mettre Anelka devant, Govou à droite, et ce qui a plombé encore plus l'équipe. Mais je pense que c'était inévitable et qu'on courait de toute façon droit dans le mur. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment de questions à se poser. Ah, et là c'est bien la faute du sélectionneur. C'est bien lui qui choisit les joueurs, qui choisit un système, qui essaye de le mettre en place. Et les joueurs, en théorie, doivent s'adapter à ce système, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, surtout en sélection nationale. Patrick et Baptiste, si on veut faire quelque chose de plus global en fait, comment vous résumeriez en un seul mot les 6 ans passés à la tête de l'équipe de France par Raymond Domenech? Même si on sait qu'il y a la finale de 2006 qui est peut-être beaucoup dû au retour des anciens, mais comment vous résumeriez les 6 ans en un seul mot? Je vais lire juste le gros titre de chez moi, Lyon Républicaine, où ils mettent Guignol jusqu'au bout. Voilà, bah, ça résume tout. Bah, je pense amateurisme, c'est très, très très significatif. En tout cas, du coaching de Domenech après. Ouais, mais parce que les amateurs. C'est aussi très bien pour le comportement du Conseil fédéral. Hein. Les amateurs se conduisent bien mieux que la bande de Guignol qui sont là depuis un moment. Quoi. Le football amateur se porte bien mieux et plus de conviction. Ouais, voilà, ça reste un jeu. Eux, ils ont dépassé le jeu, malgré tout, parce que les sommes sont énormes en jeu. Mais bon, voilà, là, c'est plus un jeu, ça devient ridicule. Et à la limite, je crois que c'est la première fois où je me désintéresse complètement d'une Coupe du Monde. Et je m'en désintéressais même presque avant cette Coupe du Monde. Bon, je ne veux pas faire le Cassandre, mais bon, voilà. On ne voit pas une super Coupe du Monde, globalement. Oui, non, mais ça, c'est sûr, c'est une Coupe du Monde bien moins spectaculaire que les autres années, mais bon. Quoi qu'il arrive, on connaît déjà 2 premiers huitièmes de finale. Le premier, donc, opposera la Corée du Sud, qui termine 2e du groupe B, après son match nul hier face au Nigeria. Le Nigeria qui a d'ailleurs raté une assez énorme occasion, l'immanquable. Donc, qui rencontrera l'Uruguay, premier de ce groupe, et le Mexique, 2e du groupe A, rencontrera l'Argentine, qui impressionne quand même en ce moment avec 9 points pris sur 9 possibles. Malgré tout, qui s'est retrouvé dans une poule assez facile et qui a peut-être pas eu encore des adversaires à sa hauteur et à la hauteur des talents innombrables et énormes qu'il y a dans cette équipe. Donc hier, pour leur 2e match de poule, ils ont battu la Grèce 2-0, début de Demichelis et de Palermo. Est-ce que pour vous, ça peut être l'année de l'Argentine? Ou quand on voit ce qu'ils ont fait en poule, est-ce que ça peut continuer à marcher face aux grandes équipes et faire un aussi bon rendement face aux grandes équipes et voire même permettre à l'Argentine d'aller au bout? Quand ton équipe B, c'est Agüero et l'attaquant, j'ai oublié son nom, mais l'attaquant de l'Inter, Milito. Milito. Quand ça fait partie de ton équipe B, tout est dit, quoi. Ils ont tellement de joueurs et ils survolent pour l'instant l'événement. Et c'est une des rares équipes qui le survole avec peut-être les Pays-Bas. Mais les Pays-Bas donnent moins une impression de facilité. Pourtant, dans un groupe que je pense... leurs 2 premiers adversaires étaient quand même... bien à leur hauteur. Maintenant, ils peuvent aller au bout. S'ils profitent, j'ai pas regardé le tableau, s'ils profitent en plus d'un tableau plutôt sympa, moi, ça me plairait, je sais pas si c'est possible, hein, au niveau du tableau, ça me plairait avoir un Brésil-Argentine, malgré le fait que les équipes européennes seraient pas représentées. Mais il me semble qu'ils peuvent se rencontrer qu'en finale, ces deux-là, le Brésil et l'Argentine. Ouais, tout à fait. C'est très magnifique. J'ai quelques équipes que j'aime bien comme ça, oui, effectivement, celles que tu viens de citer. Et moi, je vais rajouter malgré tout l'Espagne, même s'ils ont pas, s'ils ont été surpris par la Suisse. Et puis, le Honduras, ils ont pas été convaincants, mais bon, je pense qu'ils ont quand même les moyens. Il faut se souvenir qu'une Coupe du Monde, c'est encore long, hein. C'est que les huitièmes de finale et combien d'équipes ont perdu un premier match et puis qui sont arrivées en finale et leur système de jeu a monté. Zéro. Le problème, c'est qu'il y en a 0. Ah, si. Il y a l'Italie qui l'a fait en... Non, l'Italie se sont qualifiés avec 3 matchs nuls, je crois. Avec 3 matchs nuls. Aucune équipe n'a perdu son premier match et allait gagner la Coupe du Monde derrière. Ouais, mais là ça peut se démentir quand même. Non, je pense que ça peut se démentir. Puis les statistiques sont faites pour être démenties, par principe. Oui, oui, non, mais ils en sont capables, ça c'est sûr. Trouver ce que le ah, voilà, alors, alors on va mettre Argentine, Brésil, Hollande, Espagne, voilà. Et puis ça ferait déjà deux demi-finales. Je ne sais pas si, si c'est le tableau correspondrait, mais ça ferait des demi-finales finalement intéressantes si ça se produit. Et puis l'Allemagne qui a fait peut-être une petite erreur de parcours là avec son deuxième match, mais bon, peut-être jouer les troubles faits, on sait jamais. Pour une fois que l'Allemagne joue offensif, on va pas les critiquer. Donc on se souvient quand même que l'Argentine avait eu beaucoup de mal à arracher sa qualification pour la Coupe du Monde. Il leur avait fallu, je crois, un but à la 94e minute lors du dernier match de qualification, pardon, pour arracher leur billet pour la Coupe du Monde et donc se rendre en Afrique du Sud. Donc à la suite de ça, Maradona avait été très critiqué, c'était notamment apporté face à certains journalistes. Et il a dit quelque chose l'autre jour comme quoi les qualifications pour la Coupe du Monde en Amérique du Sud étaient beaucoup moins faciles que celles en Europe. Et je pense que c'est confirmé quand on voit la façon dont sont préparées les équipes d'Amérique du Sud aujourd'hui comparées aux équipes européennes. Pardon. Il a ajouté que l'Argentine, par exemple, ne jouait pas contre les îles Féroé pour se qualifier, ce qui est très vrai. Les qualifications sont quand même très faciles. En même temps, les pays d'Amérique du Sud, il y en a un petit peu moins qu'en Europe. Donc du coup, il les rassemble pour faire un espèce de mini championnat d'Amérique du Sud. Donc ce qui fait qu'ils se rendent compte tous, c'est que si ma mémoire est bonne, je crois que les quatre premiers sont qualifiés d'office et le cinquième fait un match de barrage avec le premier de la CONCACAF, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon. Et donc, alors un championnat, bah, c'est comme tout championnat, hein. Il y a des défaites, il y a des victoires et puis on compte les points et puis voilà. En Europe, effectivement, il y a une multitude de pays et on veut que la multitude de pays soit représentée, ce qui me paraît intéressant. En même temps, quand on voit le championnat d'Europe, quand il se déroule à 16 équipes, on s'aperçoit que le niveau est largement plus relevé que la Coupe du Monde, par exemple, sur le fond. Encore que la Coupe du Monde, maintenant, les gens... Parce que cette Coupe du Monde-là, là, on revient, j'ai un petit peu... J'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière, où d'abord, il ne faut pas prendre un but avant d'en marquer un. Et donc, les équipes sont hyper bien préparées pour ça. Et en championnat d'Europe, c'est hyper plus relevé. D'ailleurs, quand l'équipe de France a gagné en 2000, c'était bien plus difficile qu'en 98, paradoxalement. Ouais, c'est surtout d'ailleurs pourquoi on dit qu'en 2000, ils étaient notamment au sommet de leur art. Complètement. Allô, allô, ah, j'ai l'impression qu'on a perdu les deux intervenants. Bon, je vais conclure ce podcast toute seule alors. On vous remercie de l'avoir écouté. On retiendra donc le parcours chaotique, ridicule, le gros fiasco, la mascarade de tous les bleus en Afrique du Sud, qui a rapidement oublié, notamment si on veut partir sur de nouvelles bases, mais surtout pas oublier quand même, parce qu'il faut surtout éviter de faire les mêmes erreurs qui ont fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Mais on nous a dit qu'on en saurait plus dans les prochains jours. Certains jours, quand notre capitaine Evra a dit qu'il allait parler et raconter exactement ce qu'il avait vécu en disant toute la vérité et rien que la vérité. Il devrait y avoir aussi beaucoup de changements dans les hauts grades du football français, notamment beaucoup voudraient la démission du président de la FFF, Jean-Pierre Escalette, voilà. Mais donc ça, comme je vous dis, on en saura plus dans les prochains jours. Il va y avoir pas mal de réunions, de déclarations, etc. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast et je vous donne rendez-vous comme tous les jours. Donc pour demain, avec un nouveau podcast où il y aura notamment Baptiste et un nouvel intervenant que vous découvrez en temps voulu. À demain, merci à tous. Oh, yeah,